nous saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila mmoja wenu asubuhi ya leo mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Le frère Deborah. Duku Deborah. Qui prêche présentement à Mbalaka. Unyana obiri hapa sasa kule Mbalaka. Vous a tous salué avec affection au nom de Jésus-Christ. Ali misalimia nini wote na upendo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous saluons en même temps les frères. Na salimia wakati moja moja wa nduku. Et les sœurs qui sont connectées. Na wadada wenye kuya munjia ya mtandao. Que Dieu les bénisse. Mungu apate kuwabariki. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila ugawia, tusimame njoo kusoma neno la Mungu. Nous prenons notre livre de Josué au chapitre 1. Tukunabeba kitabu yetu ya Yoshua sura ya kwanza. Verset 2. Mstari ya pili. Jusqu'au verset 5. Tenda mstari ya tano. Nous prendrons en même temps Esaïe au chapitre 2. Tutabeba vile vile Isaya sura ya pili. Dans son verset 12, Mstari ya kumi na mbili, jusqu'au verset 15. Hata mstari ya kumi na tano. Prions. Tuombe. Ce matin, notre Père Céleste, asubuhi ya leo, Baba yetu uliye mbinguni, nous nous inclinons dans toute humilité. Na inama katika unyenyekevu wote. Pour te demander pardon. Jua kuomba msama. Nous sommes des hommes. Tuko batu binadamu. Nous bronchons de plusieurs manières. Namna kwa chana chana tukuna kwala. C'est pourquoi. Jo kwa maana. Comme nous sommes conscients de notre faiblesse. Saivi tunajua mzuri mzuri udhaifu yetu. Nous recourons au sang versé au bas du calvaire. Tunakimbilia chini ya damu ilimwangika kwa msalaba. Nous te disons encore merci Seigneur. Ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Qu'avons-nous fait? Pour que nous ayons le souffle de vie. Qu'est-ce que les autres ont fait? Nini bengine baliwezi kufanya? Pour qu'ils soient enterrés ce matin. Ili wapate kuzikwa asubuhi ya leo. C'est seulement par ta grâce. Neema tu yako. Nous comprenons, Seigneur, que tu as un plan avec nous. Ce plan que tu as accompli par Christ, tu veux l'accomplir en nous, en Christ. Aide nos Seigneur, pour que nous puissions atteindre la perfection, que nous puissions bénéficier de toutes les promesses que tu nous as faites par tes prophètes. Merci Seigneur. Accente Bwana. Ce matin, nous avons beaucoup de besoins. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons beaucoup de désirs dans nos cœurs. Mais toi seul, lakini wewe peke yako, tu es à mesure njoko na ile kimo de donner la solution à chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. Tu es seul à nous consoler. Uko peke yako wa kutufariji. Tu es seul à nous donner la joie. Uko peke yako wa kutupatia furaha. Tu es seul qui peut essuyer nos larmes. Peke yako, kupanguza machozi yetu. Et Dieu essaie de nous donner l'assurance. Na uko peke yako kutupatia uhakikisho. Et fais-le pour chacun de nous. Uyatenda jua kila mmoja wetu. Béni la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Béni les frères qui sont en ligne. Bariki wanduku wenye kutufuata kwa njia mtandao. Et les sœurs. Na wadada. Béni toute l'église. Bariki kanisa yote mzima. Du début à la fin. Mwanzo hadi mwisho. Sois glorifié. Utukuzwe. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Josué au chapitre 1. Yoshua sura ya kwanza. Dans son verset 2. Mstari ya pili. Jusqu'au verset 5. Hata fika mstari ya tano. Moïse, mon serviteur, est mort. Musa mtumishi wangu amekufa. Maintenant, lève-toi. Sasa amka. Passe le Jourdain. Tambuka Yordani. Toi et tous ces peuples. Wewe na hao watu wote. Entre dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Njoo kuingia mu inchi nyenye napatia watoto wa Israeli. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, mahali yote miguu yenu tafunyanga, je vous le donne. Na mpatia hayo. Comme je l'ai dit à Moïse. Paka vile nilisema na Musa. Vous aurez pour territoire mtapata ama budongo, depuis le désert et le Liban, tangia jangwa kufika kulibani, jusqu'au grand fleuve, hata kufika muto mkubwa, le fleuve de l'Euphrate, ile muto wa Euphrata, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Quelle belle promesse. Ah, diga nizuri. Ésaïe chapitre 2. Isaïa sura ya pili. Verset 12-15. Mstari wa 12 kwenda 15. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi. Ésaïe 2. Isaïa sura ya pili. Verset 12. Mstari ya 12 jusqu'au verset 15. Kwenda kufika mstari ya 15. Car kwani il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque se lève afin qu'il soit baissé. Contre tous les cèdres du Liban. Haut et élevé. Et contre tous les chênes de Bazan. Contre tous les autres montagnes. Contre toutes les collines élevées. Contre toutes les autres tours. Et contre toutes les murailles fortifiées. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est comme nous l'avons dit vendredi. Nous parlons de la parole prophétique. Je prie à chacun de vous d'être très attentif. Pendant que nous sommes en train de poser les bases de cet enseignement. Il est très important d'être attentif. Et ne dormez pas. Na musipate kulala. Parce que si vous dormez, juu kama unalala, vous ne comprendrez absolument rien. Hautaelewa kitu hata kimoja. Vendredi, nous n'avons fait que la révision de ce qu'on avait vu jeudi. Musiku wa kazi tano, tulirudiria tu maneno tulisemea musiku wa kazi ine. Parce que le constat, la grande partie de l'Église n'avait pas compris. Wengi mukanisa awakuelewa kimzuri apana. Ce qui avait été dit jeudi. Ile tuliwezi kusema msiku wa kazine. C'est pourquoi nous avons tenu à reprendre cela. Jokamana tulibeba mpango ya kurudiria mwile yote. Pour que chacun de nous ait la maîtrise de ce que nous sommes en train de dire. Nous essayons d'évoluer dans cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du plateau de Golan en Syrie. Njou ya mambo ya ile plateau ya Golan kule ku Syrie. Nous allons parler aujourd'hui Leo Tasemea de la question qui traite le plateau de Golan en Syrie, avec Israël. Na Israël. Deuxièmement, kitu kya pili, nous allons parler d'Israël avec ses voisins. Tasema njua Israël na wale wote wenye kumzunguka. Avec les anciennes appellations. Na munam na baranza kuita zamani. Et troisièmement, si cela est possible. Na kitu kya tatu kama itawezekana. Nous parlerons de toutes les prophéties. Tasema njua maunabi yote qui concerne chaque voisin d'Israël. Ya Israeli. Nous allons parler du plateau de Golan. Tasemia mbele njua ile plateau ya Golan. Le plateau de Golan, plateau pour en swahili pour que tout le monde comprenne. Mali ya ju mais ya kiwanja. Le plateau de Golan. Il est plateau à Golan. On dirait ni plein de Kiwanza. Kiwanja. Il est un peu yulwa. Il y a un peu élevé. C'est une surface un peu élevée, voilà, une portion voilà de terre un peu élevée. Naile Kiwanza zamani. Et cette portion de terre élevée dans l'ancien avant temps. Avant l'indépendance d'Israël. Peu avant l'indépendance d'Israël, voilà, ouru à Israël. C'était une portion de terre qui appartenait à la Syrie. Tout a semé à Yul et à Israël. Nous allons parler sur Israël. Na bandukuna bandukuna na inch. Ainsi que ses voisins ou les pays qui l'environnent. Kisha tutasemea yulu ya maprofesi. Et après quoi nous allons parler sur les prophéties que Dieu, kile Mungu, c'est que Dieu anesha kusemea, a déjà prédit yulu ya kila voisin wa Israël, sur chaque pays voisin d'Israël, selon les saintes écritures, fatana na mandiko takatifu, et selon Dieu na kufatana na Mungu. Le plateau de Golan, ile kiwanja ya juu yenye kuitwa Golan, fait partie de l'héritage, ile bulongo yote na yeye ni sehemu ya urithi, de Manasse, ya Manasse. Je reprends. Narudiria hapo. En réalité, kwa kusema kweli kweli, le plateau de Golan, ile kiwango wala jimbo ya Golan, est l'héritage que Dieu lui-même avait donné à la tribu de Manassé. Ni urithi ile Mungu alipatiaka kwa kabila ya Manassé. Pendant les conflits, wakati ya makokotano, et pendant qu'Israël était dispersé par Dieu dans le monde, Israël a zambalishu na Mungu mulimwengu wote mzima, ou en d'autres termes, wala munamna ingine kusema, quand Dieu chassa Israël de son territoire, wakati Mungu akafukuza Israël mubulongo yake, à cause du péché d'Israël, Dieu a zambi ile Israël alitenda, de sa désobéissance, et quand le territoire fut abandonné par Israël, d'autres nations sont venues réoccuper cela. Ma inchi ingine, ma taifa ingine, ikakuwa kuikala pale. Mais en réalité, lakini katika ukweli ya maneno, le plateau de Golan, il est jimbo ya Golan, bien qu'il faisait partie de Syrie, ata vile ilikuwa bulongo bulikuwa msemu ya Syrie, mais appartenait à Israël. Lakini ilikuwa kanjo uriti ya Israeli. Et précisément à la tribu de Manassé. Na kabisa kabisa ku kabila ya Manassé. Dans Genèse au chapitre 15. Kitabu ya Mwanzo sura 15. Genèse au chapitre 15. Mwanzo sura 15. Ce n'est pas l'évangile, hein. Aina injili hapana. Verset 18. Mstari ya 18. Jusqu'au verset 21. Hata ufika mstari wa 21. En ce jour-là, mwile siku, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Regardez le verset 21. Des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. Les Girgaziens, ceux anciennement qui occupaient les plateaux de Golan. Ni wao walikuwa naishi pale pa plateau ya Golan. Les Girgaziens, wa Girgazia, sont les occupants du plateau de Golan. Njo wakaji wa ile plateau ya Golan wala jimbo ya Golan. Et ces Girgaziens, na wa Girgazia, habitaient la région walikanaishi mujimbo que la Bible appelle Bazan. Ile Biblia inaita kusema Bazan. Bazan, Bazan, B A H, B A A H, B A S H, B A N, B A S H A N. Voyez, naona. Voilà l'importance du tableau. Mnaona mafaa ya kuwa na ubao kuandika. U Bazan, wala Bazani. B A S A N, wala B A S A N. C'est l'ancienne appellation du namna ya zamani ya kuitwa du plateau de Golan. Ya ile bulongo ya Golan. Et anciennement, na zamani, les Bazan étaient considérés comme un pays. Bazan ilikuwa na onekana kuwa inchi. Ceux qui occupaient cette partie-là. Nibo njo balikuwa naishi mwile bulongo. Et quand Dieu donne le pays à Abraham et à ses descendants, na wakati Mungu anapatia ile inchi kwa Ibrahim na uzao yake, Dieu dit à Moïse, à Abraham, Mungu akamonesha Ibra, que ce pays que je te donne, inchi nakupatia, même la partie du Bazan, hata kipande ya Bazani, fait partie de votre héritage. Nayo iko mu urithi yenu. Dans Deutéronome au chapitre 3. Kumbukumbu la Torati sura ya 3. Deutéronome, Kumbukumbu la Torati, au chapitre 3, sura yake ya 3. Quand vous lisez tous les chapitres 3, wakati mnasoma sura yote ya 3, vous voyez qu'il est parlé de la défaite du roi de Bazan. Mtaona njuba nasema mambo ya vile mfalme wa Bazani bali muinaka vita. Le roi Og. Falme Og. À partir du verset 13, 15, pour aller un peu plus vite à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Dieu dit à Israël. J'ai donné à la moitié de la tribu de Manassé. Il est parti à quoi c'est moi Kabila Manassé. Le reste de Galad. Mabaki ya Galadi. Et tous les royaumes d'Og. Na ufalme yote ya Ogi. En Bazan. Mule Mubazan. Le royaume d'Og. Il est ufalme ya Ogi. Se retrouve en Syrie. Inapatikana kule ku Syrie. Toute la contrée kipande kiote d'Argob Argogi, et tous les Bazans na Bazani yote mzima, c'est ce qu'on appelait le pays de Raphaïm. Njoile ilianza kuita inchi ya Raphaïm. C'est-à-dire des gens de la race des gens. Nikusema kizazi ya watu. Ah, mule mule inchi mukua ba mionyo. Il y avait des géants. Jaïr, fils de Manassé. Jaïr, mwana wa Manassé. Prit toute la contrée d'Argob, Akabeba kipande kyote ki Argob, jusqu'à la frontière de Gerkushin, kufika kumpaka ya Gerkushin, et de Maka, de Makatien, na kule kuba Makatien, et il donna son nom au bourge de Bazan, na kapati ya jina lake kuwa bourge wa Bazan, appelé encore aujourd'hui Bourge de Jaïr. On a été à Léo, Bourge de Jaïr. J'ai donné Galad à Makir. Ce sont les enfants de Manassé. Il va tout à Manassé. Il est parti à Galad, quoi, Makir. Ici, dans Deutéronome au chapitre 3, quand Dieu partage le territoire donné à Abraham, wakati Mungu anakabula ile bulongo alipatia à Ibrahim. C'est la tribu de Manassé, Manassé qui occupe le Golan. Njo inabeba inakuikala mwile bulongo ya Golan. Qu'on appelait le territoire de Bazan. Ili wananza kuita jimbo ya Bazan. Dans Josué au chapitre 12. Josué sura ya 12. Josué au chapitre 12. Joshua sur la 12. Dans son verset 1. Musala ki akwanja. Jusqu'au verset 6. Ata fika musari ya 6. Josué chapitre 12. Joshua sur la 12. Verset 1 à 6. Kwanza msara kwanza kwenda kufika msara 6. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent. Azameni wafalme wale watoto wa Israël walipiga. Et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain. Na wale walishika inchi kule ngambo ya pili ya Yordani. Vers le soleil levant. Kunye yue na lamkiaka. Depuis le torrent de l'Arnon. Tangia muto Harmoni jusqu'à la montagne de l'Hermon. Ata kufika kumulima wa Hermoni. Avec toute la plaine à l'Orient. Na kiwanja yote kile kia kwa asubuhi. Maintenant vous allez continuer avec la suite. Sasa mutendelea na kusoma na ile inafuata. Et vous verrez na mtaona que la mer Salée ya kwamba ile bahari que nous appelons aujourd'hui la mer morte, ile tunaita mer morte leo, figurait toujours na yo ilikuwa paka dans l'héritage de Manassé. Muriti ya Manassé. Regardez le verset 5. Bibi msara ya 5. Sa domination s'étendait sur la montagne d'Hermon, sur Salka, et sur tout Bazan, na yula Bazani yote mzima, jusqu'à la frontière, kwenda kufika kumipaka, des Gershuriens, na wa ya wa Gershurien, ce sont les habitants, ni wakaji, qui habitent la région, la région de Bazan, wale wanaishi mjimbo ya Bazani, à l'est du Jourdain, o asubuhi ya Yordani. Les Makatiens sont les habitants toujours de la ville de Maka, mais à l'est du Jourdain toujours. Pour que vous compreniez ça, c'est comme ici chez nous, vous avez la, le fleuve Lualaba, mais il y a des familles différentes qui habitent tout au long du fleuve. Il y a différentes tribus qui habitent tout au long du fleuve. Ces familles et ces tribus se sont déjà partagées les portions de terre. Voyez, le même fleuve descend. Il y a ceux qui occupent l'est. Voyez, il y a les autres qui occupent le bas. Et il y a ceux qui occupent la rive gauche ou la rive droite. Vous trouvez par exemple ici, il y a les Kaonde, il y a les Sanga, vous voyez, il y a les Luba, vous voyez, tout ça, ils sont Congolais, ils habitent presque une seule région, ils ont presque la même langue, presque. Ils sont différents dans leurs langues. Donc leurs dialectes. Mais ils s'entendent. Quand vous prenez les Kikaonde et les Bemba, ou avec les Sanga, ou avec les Luba, quand vous voyez, c'est une même langue, mais qui ont subi, ce sont des dialectes qui ont subi des influences. Et vous trouverez beaucoup de termes, et même la manière de les prononcer, de la même manière, dans les Sanga et dans les Kaonde. Vous voyez? Mais il y a eu des petits problèmes parmi eux. Et ils se sont partagés. C'est comme au Kasaï, vous pouvez trouver les Benak, les Bakwamulumba, les Bakwakalala, ainsi, Bakabayakamwanga, ainsi des choses comme ça. Pour que vous ayez la vision de ce que nous sommes en train de dire. Alors, ce pays de Bazan, dans lequel se trouvait le plateau de Golan, était habité par plusieurs familles ou par plusieurs tribus. Vous voyez, maintenant, quand je lui donne l'héritage à Abraham et à ses enfants, tous ces gens qui habitaient là, Dieu ne les a pas traités comme des propriétaires. Non, bien mes frères, Dieu a donné la propriété à Abraham et à sa descendance. Et pour comprendre ça, je donne un exemple de terre à terre. Regardez les champs que nous faisons. Beaucoup de gens qui ont des terrains de champs n'ont pas de titre de propriété. L'église est avec moi. C'est votre terrain. Mais tu n'as pas le titre de propriété. Maintenant, quand quelqu'un est fort, il est puissant, il a l'argent, il va voir Frère Mbayo, et lui il va harmoniser, il va payer les frais de l'État, parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, et lui veut en faire sa propriété. Il verra le cadastre, et il verra le domaine foncier, il va payer les frais chez cadastre, et il aura chez le domaine foncier, et il aura des titres de propriété. De telle manière qu'aucun homme ne peut lui ravir. Hakuna mtu akumnyang'anya tena ile sehemu ya bulongo. Mais wewe ule ambao unaanza kuipika, unaanza kulima mwa ile bulongo. Faisait les champs sur cette terre là. Abukwe bwako. Ce n'était pas, ça ne t'appartenait pas. Par humanité, par humanisme. Abumuntu tu. Bata kupachia ton franga kiloko. On va te donner un peu d'argent. on te que non, va chercher ailleurs où tu peux cultiver. Et pourtant, tu pensais que c'était ta aussi longtemps que on a un titre de propriété. Aussi longtemps que tu n'as pas ma carcasse, il y a l'esclavage. Aïna yako. Même si tu as 20 hectares, ça ne t'appartient pas. Attends qu'on a 100 hectares, Aïna yako. Même si tu as 100 hectares, ce n'est pas ta propriété. Tu peux appeler les gens, venir. Les champs. Parce que tu es le premier occupant. Mais tu l'occupes illégalement selon la loi. Parce que tu n'as pas de titre de propriété. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi que sur cette terre de Bazan, il y avait aussi des peuples qui habitaient sans être propriétaires. C'est pourquoi quand Dieu décide de distribuer, de donner un pays à, de donner le pays à Israël, il dit à Abraham et tes fils, je vous donne ça. Ibrahim, c'est moi qui suis propriétaire. C'est moi qui place chacun, chaque famille, là où je veux. Maintenant, comme toi, tu es mon serviteur et que tu as obéi à ma voix, je prends cette terre, je vous la donne. Je crois quand Israël prend l'option de conquérir tous les territoires que Dieu lui avait donné, l'ordre que Dieu avait dit à Israël, c'était d'exterminer tous les incirconcis que vous trouverez dans ces territoires. Vois bien mes frères. Tous les incirconcis qui occupaient illégalement les territoires que Dieu avait donné à Israël, Dieu avait autorisé à Israël de les exterminer. À commencer par les bébés. Mouille territoire, dans ces Mouchibaki est Muntu Mwingine, Mouchibaki est Taïfa Ingine, Mouchibaki est famille Ingine, aucune autre famille. En dehors, il y a Batoto et Abraham. Si c'est né les enfants d'Abraham. Vous voyez, c'était dur. Hein? Il croit qu'il y a un gouvou. C'est qui occupait cela. Bon, je vais dire qu'il y a la moule. Verset 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Moussa, mtumishi wa milele, na batoto wa Israeli wakawapiga. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, na Moussa, mtumishi wa milele, donna leur pays en possession aux Rubenites. Akapatia inchi yabo ama uriti kwa watoto wa Ruben. Au Gadit. Et à la moitié de la tribu de Manassé. Na kwa kipande ya kabila ya Manassé. Vous voyez, Naona, dans Josué au chapitre 13, Yoshua sura 13, dans son verset 29 à 31, Josué chapitre 13, Yoshua sura 13, dans son verset 29 à 31, Dieu confirme que tous les Golans appartenaient à la demi-tribu de Manassé. Ikakua ya kipande ya kabila ya Manassé. Au fils de Manassé. Kwa watoto ya Manassé. Ça vous le lirez à la maison pour aller vite. Kwa kwenda haraka mtaweza kwenda kusoma kunyumba. Dans Ézéchiel au chapitre 47. Ézéchiel sura 47. Ézéchiel au chapitre 47. Notez cela. Sura 47 mnaweza kuandika. dans son verset 15 à 20, mstari yake ya 15 kwenda 12, Dieu confirme la même promesse. Mungu anahakikisha ile ahadi moya moya. C'est ainsi que dans la guerre de six jours, Joumina muna mule vita asikusita. Comme Israël devait combattre sur plusieurs fronts. Sabile Israël il pacha kukomba na mapembe yote. Mangambo yote. Il avait en face ses ennemis. Beleaki alikuwa na wadui. Il avait devant lui l'Égypte. Beleaki alikuwa na Misri. Il avait devant lui la Syrie. Beleaki alikuwa na adui Syrie. Il avait devant lui la Jordanie. Beleaki alikuwa na Jordanie. Il avait devant lui l'Irak. Na Beleaki alikuwa tena na Irak. Ses armées avaient fait un front commun pour combattre Israël. Imajeshi ilifungana pamoja jua kumkumbanisha Israeli. Et dans la guerre de six jours, na mwile mvita ya siku sita, Israël avait commencé par attaquer l'Égypte. Israël alianza hapo mbele kwenda kukumbanisha Misri. Pourquoi? Jua nini alianza na Misri? Parce que c'est l'Égypte ni Misri qui avait une grande armée parmi tous les Arabes la jeshi kubwa kati ya Waarabu wote et qui avait beaucoup d'armes na alikuwa na masilaha mingi. Parce que l'Égypte Misri était armée par l'URSS d'autrefois. Ilipewa vifaa vya vita kwa URSS ile wakati. L'URSS avait vendu beaucoup d'armes à l'Égypte. L'URSS avait beaucoup avait de bonnes relations avec l'Égypte. En voyant les armes qu'il avait, l'Égypte devenait de plus en plus orgueilleux. Et celui qui avait pris la tête des Arabes. Na yeye sasa alikuwa kukichwa ya Waarabu. C'est ainsi que dans cette guerre. Wina muna sasa mwile vita. Israël combattit premièrement l'Égypte. Israël akaanza mbele na kukumbanisha Misri. Après sa victoire sur l'Égypte, kisha kupata ushindi yule wa Misri. Il combattit la Jordanie. Akaenda kukumbanisha Jordanie. Après avoir vaincu la Jordanie, kisha kuina Jordanie, il attaqua la Syrie. Akaenda kukumbanisha Syria, la Syrie. Et pendant qu'il combattait la Syrie, wakati alikuwa mukumbana na Syrie, arrivé le 7 kufika juin 1967. Kufika le 7 juin 1967. Israël a tenu le plateau de Golan. Israël a kabeba sasa ile bulongo bwa juu bwa Golan. Israël vaincu les Syriens. Israël a kapata ushindi yule wa Syria. Et récupéra le plateau de Golan. Na kabeba ile bulongo ya Golan. Wakati ile ulimwengu wa Arabu kaona ile mambo ki Israel les avait vaincu, kama Israel alibashindia nguvu aliwashinda, et que le monde entier, na ulimwengu mzima, avait vu que Israel était fort, kaona kwamba Israel alikuwa wa nguvu. Pour éviter qu'Israël progresse, kwa kuepuka Israel sipende kuendelea na kusonga mbele, en occupant d'autres territoires, beba mabulongo mengine. C'est ainsi qu'il URSS, ndo pale sasa URSS et les États-Unis, na États-Unis imposèrent à Israël et aux Arabes, wakaweka mkazo kwa Israeli na Arabu, ya kusema basimamishe vita. Et quand ils arrêtaient la guerre, wakati walisimamisha vita, Israël avait déjà gagné les plateaux de Golan. Israël alikuwa shakubeba ile bulongo ya Golan. Et il est resté là. Na kabakilia pale. Et tous les territoires qu'il avait gagnés. Na majimbo yote ile bulongo yote Israël aliwina. Israël l'avait conservé jusqu'au cessez-le-feu. Israël alichunga kata kufika wakati vita balisimamisha. C'est pourquoi arrivé Njokamana kufika à 1981, quelques-uns parmi vous étaient déjà nés. Mukufika mu 1981, Israël prit la décision officiellement devant le monde. Israël kabeba mpango mbele ya ulimwengu wote mzima. D'annexer cette partie du Golan. Ya kuunga ile kipande ya bulongo ya Golan. Comme faisant partie de son propre territoire. Sawa kipande ya bulongo yake ya inchi yake. Et quand Israël décide, na wakati Israël alibeba ile mpango, par une loi votée dans son parlement, mwe balichagua kwa wanabunge wake, d'annexer Golan à son territoire, kubeba Golan ipate kwa na yote na kipande ya inchi yake, sur le plan international, mulimwengu wote mzima, ma inchi yote alimwengu mzima, ils n'ont pas accepté cela. Ma inchi yote haikuitikia ile mpango hapana. Ils ont refusé, n'ont pas reconnu cette loi-là. Abakutambue na kuitika ile sheria ya kunga. Que Israël avait voté dans son parlement. Ile Israël alichagua disant que le Golan lui appartenait légalement. Inakuwa yake kufuatana na sheria ya inchi yake. Bien que tous les pays du monde avaient refusé, hata vile mainchi yote ulimwengu mzima ilikatalaka, Israël maintenu sa décision. Israël yeye akabakilia pale mpango alibebaka. C'est seulement en 2019 ici. Ni hapa tu karibu hapa mu 2019 que les États-Unis, États-Unis a reconnu officiellement. Realitika sasa bele ya batu bote mainchi yote que cette partie là ya kwa mele kipande appartient à Israël. Ya Golan ni kia Israël. Vous voyez, naona le Golan est un point stratégique. Ni fazi ya muhimu sana qui a des terres fertiles. Ju ya bulongo buleko na abo buzuri. Et aujourd'hui quand je vous parle, na leo wakati nasema na mwe, le Golan est sécurisé par Israël. Golani inakingwa na Israeli. Il surveille ce territoire. Anakesha yulu ya ile jimbo. Jour et nuit. Usiku na mchana. Pour maintenir son influence. Utawalo yayo yulu ya ile Golan. Comme une partie du territoire d'Israël. Sawa kipande ya bulongo kenye kwa kia inchi ya Israeli. Mais quand les gens disent aujourd'hui, lakini wakati batu leo barasema, les pays arabes, inchi arabu, et les autres nations, na ma inchi ngine ngine, ils disent qu'Israël doit restituer, barasema, oh, Israël anapasha kurudisha, ce qu'il a pris en 1900 1967. Il a libebaka mu 1967. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Njubo awaelewe mapu ya Mungu. Il n'y a rien qu'Israël va restituer. Hakuna kitu kile Israël atarudisha. Au contraire, kwa kinyume, il doit encore gagner d'autres territoires. Anapasha tena kuwina na kunyanganya bulongo ingine ingine majimbo ingine ingine. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada yangu. C'est ainsi ni muina muna, que selon Dieu, selon la Bible, na Mungu, na kufatana na Biblia, et Israël n'est pas un occupant. Israël ana tu mwangamizi. Non. Apana. Quand vous prenez noter cela, mwandike, mukibebe, vous prenez Nombre chapitre 21. Sura makumi mbili na moja, Nombre chapitre 21. Sura makumi mbili na moja, verset 32 à 35. Makumi tatu na mbili, kwenda makumi tatu na moja, atano, vous verrez. Utaona que cette région de Bazan, ya kwamba mutaona hii jimbo ya Bazani, son nom qui est actuellement le Golan, jina lake ile wanaita sasa Golan, était une terre très convoitée. Ilikuwa ni bulongo baanza kutamania sana. Un point stratégique. Fazi ya muhimu sana, ya mari sana. Où il y avait une bonne fertilité. Ule buruka bulongo ba mboleo. Mais le Dieu du ciel, lakini Mungu wa mbingu, quand il décide de faire quelque chose, wakati abe mpango ya kufa kitu fulani, c'est ce qui est juste. Na njo kinyi kwa kia haki kile Mungu anabeba kufanya. C'est ce qui est correct. Na njo kinyi kwa sawa. Maintenant, suivez-moi très bien. Sasa mnifuate mzuri mzuri. Pourquoi les Arabes sont-ils toujours en guerre contre Israël? En réalité, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi il y a toujours rivalité entre Israël et les pays arabes? Si vous suivez, Mukifata, l'histoire biblique, Adisi, a Biblia, après le déluge, Kisha Garika, dans la Genèse au chapitre 10, Kitabu ya Mwanzo sura 10. Genèse au chapitre 10. Mwanzo sura 10. La Bible nous montre la famille de Noé. Biblia inatuonyesha jamaa ya Noa. Dans la Genèse au chapitre 11. Kitabu ya Mwanzo sura 10 na moja. Verset 1. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Dunia yote mzima ilikuwa na lugha moja na misemo moja. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et y habitèrent. Sasa wakati walitoka kwa asubuhi, wakakuta kiwanja moja kuincha Shinéar na wakaketi pale. Cependant qu'il habitait la plaine de Shinéar, le pays de Shinéar, que tous les hommes avaient pris la décision de construire une tour. Njo watu wote wakabeba mpango ya kujenga mnara. Dont le sommet atteignait le ciel. Inye chongo ilipata ifike kule ku mbingu. Ils avaient commencé à faire des briques, comme vous le savez. Ils étaient mis à construire cette tour. Mais le Dieu du ciel prit la décision de les confondre et de les disperser sur la terre. C'est à partir de la dispersion des trois familles de Noé que le peuple se dispersa sur toute la terre. Ils sont allés dans des différentes directions. C'est à partir de là na ni kuanzia pale que Dieu confondu les langages pale Mungu akavuruka msemeo yao pour qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres qu'il y ait de la confusion les uns les autres kati ya wamoja na wengine afin d'arrêter ce qu'il faisait, il qui n'était pas dans la volonté du Seigneur. Dans la Genèse 11, à partir du verset 10, la Bible nous montre la postérité de Sem. Et quand vous regardez dans la postérité de Sem, c'est dans cette descendance que Terah, le père d'Abraham, est né. Terah, baba yake Ibrahim alizalikia. Terah avait eu 3 enfants. Terah akapa alipataka batoto 3. Abraham, Ibrahim, Nakor, Nakori, et Aram. Na Aram. Et quand le monde a commencé à les familles ont commencé à s'élargir. Wakati majama ilikakuwa sasa inaanza kuongezeka. Il y a une multiplication. Arrivé dans la Genèse chapitre 12, Dieu choisit Abraham. Mungu akachagua Ibrahim. Et quand Dieu choisit Abraham, wakati Mungu alimchagua Ibrahim, il le sépara akamtenganisha de tout le peuple, de toutes les nations. Na watu wote, na mataifa yote. Vous voyez. Naona. Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. Le maître. Mwenye, le Seigneur. Wana, le propriétaire. Mwenye mali. De toute la création. Mwenye vitu vyote, maumbile yote. Il isole Abraham. Wakati anamtosha Ibrahimu. Et c'est Dieu qui lui a dit de se séparer. Na ni Mungu ndiye alimuonesha apate kujitenga. Le choix et la séparation d'Abraham. Kujaguliwa na kujitenga kwa Ibrahimu. Avec d'autres nations, avec d'autres nations, d'autres peuples, d'autres familles. Ingine, majama ingine, mataifa ingine. N'a pas été apprécié. Haikufurahikiwa hapana. Avec d'autres peuples. Na watu wengine hawakufurahiwa hapana na ile kitu. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Qui s'est révélé à Abraham. Dieu alijifunua kwa Ibrahimu. Dieu ne s'est pas révélé à d'autres personnes. Mungu asikujifunua kwa watu wengine hapana. Dieu avait pris Abraham. Mungu alimbebaka Ibrahimu. Et il avait choisi sa descendance. Na akachagua uzao yake. Pour faire de eux son propre peuple. Papate kwa taifa yake yemunye Mungu. Mais regardez maintenant dans le cheminement de l'histoire. Sasa tazameni mkwenda kwa habari kwa hadisi. Quand vous prenez Abraham, l'église est avec moi. Eti kanisa unanifuata mkibeba tu Ibrahim. Abraham. Ibrahim. Avait une femme légale. Alikuwa na mke wake wa ndoa. Qui était Sarai ou Sarah. Ule aliitwa mjina Sarai wala Sara. Et dans la famille d'Abraham. Na mujamaa ya Ibrahimu. Dieu promet une postérité. Mungu analaka uzao. Sara qui était stérile. Kupitia Sara, mnyo alikuwa katasa. Et vous savez, na mnajua, pendant que Sara était stérile, wakati le Sara alikuwa tasa, Abraham qui voulait à tout prix avoir un enfant, Ibra, une progéniture, alipenda kwa kuna mtoto, uzao. C'est Sarai qui prend sa servante. Sasa ni Sarai ndio anabeba sasa ule kijakazi wake. Et la donne à Abraham. Anampatia Ibrahim. Agar est une égyptienne. Agar ni mwanamke wa Kumisri. Qui était servante d'Abraham. Yeye alikuwa tu kijakazi nyumba ya Ibrahim. Abraham a un enfant. enfant avec Agar l'Égyptien. Ibrahim ampata mtoto sasa na Agar mwanamke wa Kumisri. Quand il y a un problème entre Sarai et Agar, wakati kulikuwa sasa mambo katikati ya Sarai na Agar, Dieu dit Sarah kasema chasse Agar, mfukuze Agar. Vous connaissez l'histoire. Unajua habari. Pendant qu'Agar était dans le désert, du côté de l'Égypte, kulengambo ya Misri, l'ange est allé vers Agar, malaika kamonekania Agar, pour lui dire, rentre chez ta maîtresse, rudia kwa mama yako wa nyumba, et va t'humilier. Na wende ujinyenyekeze kwake. Mais écoute, lakini sikiliza, cet enfant que tu as entre tes mains, mtoto unaye mikononi mwako, je le bénirai, nitamubariki, et il sera une grande nation, atakuwa inchi kubwa. Et après la mort de Sarah, na kisha kifo ya Sara, Abraham a pris d'autres femmes, le Ketura. Ibrahim aliwa babibi wengine kuku Ketura, avec laquelle il a eu d'autres enfants. Ulenai alipata alizala naye batoto bengine. Maintenant regarde. Sasa tazameni. Le père Abraham, baba Ibrahim, il a Sarah, eko na Sara. Il a les enfants avec Agar, eko na batoto na Agari. Il a les enfants avec Ketura, na eko na batoto na Ketura. Et tous les enfants na batoto bote de Ketura, ba Ketura, sont allés en se multipliant. Ils sont devenus des grandes familles, des grandes tribus et des grandes nations. Ismaël est allé aussi. Ismaël na yakaenda. Il épousa en Égypte. Akenda kwa Misri. Et il a commencé à avoir aussi une progéniture. Isaac, le fils promis, Isaac, mwana que Dieu considérait comme le seul fils propre d'Abraham. Sa mtoto wa peke wa Ibrahim. Lui aussi est allé de son côté. Akenda ngambo yake. Et il s'est multiplié. L'église est avec moi. Akazala. Kanisa unanifuata. Mais entre toutes ces familles ici, lakini kati ya hii majamaa yote, tout le monde s'est réclamé. Bote walikuwa najiita. Tous ces enfants. Matoto bote. Qui sont nés d'Abraham dans la chair. Na Ibrahimu, avec plusieurs femmes. S'est réclamé comme étant. Baranza kujiita kusema. Les enfants d'Abraham. Matoto wa Ibrahimu. Et ils adoraient le Dieu d'Abraham. Walikuwa naabudu Mungu wa Ibrahimu. Mais vous verrez plus tard quand vous lisez la Bible. Kusoma Biblia. Qu'en réalité, ils n'adoraient pas le Dieu d'Abraham. Walikuwa naabudu Mungu wa Ibrahimu. Ils se penchaient vers les idoles de leur mère. Et seuls les enfants d'Isaac. Nani paka tu batoto ya Isaka. Isaac en épousant Isaka mukoa. Et Rebecca. Rebecca. Il a eu des enfants. Akapata batoto bawili. Il a ses deux enfants. Na wakati alipata wale watoto wawili. De Jacob. Jacob. Lui aussi, il distribue. Na yeye kutoka kwake douze enfants. Watoto kumi na mbili. De ces douze enfants. Kutoka wale watoto wawili. Est née la nation israélite. Ndio kulitoka sasa taifa ya Israeli. La seule nation. Taifa tu moja. Qui bénéficiait. Ile kwa na faidia. De toute la bénédiction. Baraka yote. Propre. Yenye kuya. De Dieu. Ya Mungu. Mais regardez. Lakini tazameni. Les enfants d'Ismaël. Batoto ya Ismaeli. Et les enfants de Ketura, na batoto ya Ketura, furent un front commun, bakaungana pamoja, pour combattre Isaac. Njua kukumbanisha Isaka. La haine là dont vous voyez, ile chuki Mungu naona, et là comme source, inatokea, la rivalité, ya buadui, c'est ce que vous voyez même aujourd'hui, ile Mungu naona leo. quelqu'un polygame, wakati mtu ana bibi mingi, souvent les enfants, wakati mingi batoto, se rassemblent, banakusanishwaka pamoja, selon leur mère, kufuatana na mama yabo, à cause de leur rivalité. Njua ile bumbanda. La rivalité de leur mère, bule bumbanda baba mama yabo, est transportée, bunenda sasa, sur la progéniture. Yulu ya batoto, sa mu batoto. Vous voyez. Unaona. C'est ainsi quand vous lisez la Bible. Ni mwina muna ukisoma Biblia. Regardez Esaü. Tazameni sao. Qui est le jumeau de Jacob? Mwenye kwa mpundu wa Yakobo. Quand il a vu, wakati aliona, il a remarqué, akaona ya kwamba, que Jacob lui avait volé le droit de naissance. Yakobo alimuiba halali ya uzaliwa wa kwanza. Et son père, na baba yake, Jacob l'avait réellement béni. Yakobo Mungu alimbariki sana. Quand il sut cela, wakati alijua ile mambo, il vit que la bénédiction d'Abraham, baraka ya Ibrahimu, la bénédiction de Dieu, baraka ya Mungu, l'avait échappé comme il était le premier né. Nimepuka wakati ile alikuwa mzaliwa wa kwanza. Il prit en aversion, akachukia sasa, Jacob. Yakobo. Et regardez pour manifester sa haine. Tazameni sasa jua kuonesha tu chuki yake. Esaü n'est pas allé se marier. Esaü akwenda kuoa dans la famille de Sarah, mujama ya Sarah, ou dans une famille d'Abraham, mujama moya ya Ibrahim, pour révéler sa méchanceté, bien qu'il connaissait la volonté de son père et de sa mère, qu'il ne voulait pas qu'il aille se marier en dehors de sa famille. Esaü est allé dans sa colère se marier en dehors de sa tribu. Il va se marier du côté d'Égypte. Akenda koa ngambo ya Misri. Esaü, Esaü, Ismaël, Ismaëli, les enfants de Ketura ont fait un front commun. Akafungana bote pamoja. Voyez, naona, contre Isaac. Njua kumbanisha Isaac. Les enfants de Jacob. Batoto ya Jacob. Et c'est pourquoi, na njo kwa mana, depuis que ce monde existe, tangia ulimwengu kwako, c'est qui forment les Arabes. Wenye c'est Jacques qui forme les Arabes. Wale donc, les enfants d'Ismaël, les enfants de Ketura, les enfants d'Esaü, ont pris la résolution de s'opposer à Israël en toutes choses. Ya kupinganisha Israël katika maneno yote. Quand Israël dit oui, wakati Israël anasema ndio, et ils disent non, Boba anasema hapana. Quand ils disent oui, wakati babo anasema Israël aussi dit non, Israël anasema hapana. Ils ont considéré Balibeba, ils ont considéré Israël comme leur ennemi juré. Baisha beba Israël ama adui wabo wakufa na kufa. Na ile chuki ne les a jamais quitté. Aya batukaka kamwe. Pourquoi? C'est à cause de la bénédiction baraka que Dieu a mise sur les enfants de Jacob. Aliweka yule batoto wa Jacob. Bien que Dieu du ciel Mungu leur a donné la bénédiction matérielle. Baraka mubitu ya mwili. L'église avec moi. Saï bote le bateau de Abraham. Dans sa justice, Dieu, il y a deux bénédictions. Baraka mbili. Il y a la bénédiction matérielle. Baraka ya mwili. Il y a la bénédiction spirituelle. Na baraka ya kiro. Tous les Arabes, Arabu wote, à partir, à commencer par Ismaël, les enfants d'Esaü, les enfants de Ketura, Mungu wa kumbingu, arrive bariki matériellement, franga bekonayo, bulongo bekonayo, kiti ya kimwili bekonavyo, mais kile kintu Mungu akuyapachie ni baraka ya kiroho. Voilà là où il y a des problèmes. C'est ça l'ennemi du problème. Panatokea mambo. L'amour de Dieu ya Mungu envers Jacob. Juu ya Jacob. L'amour de Dieu. L'amour de Mungu. Et le choix de Dieu. L'uchaguzi ya Mungu. Envers Jacob. Yulu ya Yakobo. C'est vrai, frère. Mbia kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Mbia kweli dada yangu. Mais pour ce qui est de Jacob, lakini, kwa Jacob c'est lui même Israël. Jacob, vous connaissez l'histoire. Dieu lui a donné Mungu alimpatia une bénédiction double. Baraka marambili. Quelle est cette bénédiction? Ni baraka gani? Il bénéficie wanafaidia de l'amour de Dieu, na upendo ya Mungu, de la révélation de Dieu, na ufunuo ya Mungu, c'est le seul Njo, qui adore le vrai Dieu ule kona et Mungu, qui connaissent le vrai Dieu. Ni paka botu wanaabudu Mungu wa kweli na wanamjua Mungu wa kweli. Mais l'est, lakini aba bote banabakia bo, ils n'ont que la bénédiction matérielle, na baraka ya mwili, mais ya bini, ils sont idolâtres, wanaabudu sanamu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu ne s'est jamais révélé aux enfants de toutes ces femmes ici qu'Abraham a eu. Mais Israël, Dieu lui a promis bénédiction matérielle, bénédiction financière, bénédiction spirituelle. Vous voyez? Naona. Et quand les Arabes Arabu, ou les enfants d'autres femmes voient que Abraham, ils voient que Jacob, Jacob a une double bénédiction. Amebarikiwa mara mbili. Et surtout ils ont Dieu. Lakini zaidi ya yote eweko na Mungu. Les autres frères, hawa ndugu yake bengine, à cause de cette révélation, ndio ile ufunuo, sont en guerre contre lui. Banenda na kumkumbanisha. Mambo munene pour que chacun comprenne. Le grand problème, njumu kila mtu aelewe. Wadi munene. L'inimitié. Pour pouko entre Israël. Entre Israël. Na banduku yake. Et ses frères. Bale ambao Abraham arizala na ba mama yao bengine, ba bibi bengine. Ina yengwa yulu ya bwabudu wembwe waminifu. Sur la fidélité. Buna yengo yulu ya Mungu. Fondé sur Dieu. Parce que Mungu akumbingu. Car le Dieu du ciel. Yepe kenjwari difununa. Qui s'est révélé. Au Yuda. Aux Juifs. Mungu anasema. Je dis. Batote ya Abraham. Les enfants d'Abraham. Bale banatokea kungambo ya Sarah. Ceux qui sont venus de Sarah. Il est njo mali yangu. C'est ça ma propriété. Et Dieu n'a jamais considéré. Aya bebaka, Dieu Mungu n'a jamais considéré onaka, les enfants d'Ismaël. Batoto Ismaeli, n'a jamais considéré onaka, les enfants de Ketura, Ketura n'a jamais considéré onaka, les enfants de Zayu Esau, comme sa propriété. Wa mali yake. Dieu s'est réclamé lui-même Mungu alisema yeye mwenyewe comme étant sawa kuwa le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahim. Il n'a jamais été hayakuwaka le Dieu d'Esaü. Mungu wa Esau. Le Dieu d'Ismaël. Mungu wa Ismaël. Ou des autres, non, non. Bengine, apana. Il se nomme anajiita le Dieu Mungu d'Israël. Wa Israeli. Et c'est Dieu qui s'est révélé à eux. Na ni Mungu ndiye alifunua kwao. La révélation de Dieu à Israël, ou Israëli, a créé la jalousie. La musha buivu. Voyez, frère. Naona nduku. Cela a créé la haine. La musha chuki. C'est vrai. Nibia kweli. C'est ce qui s'est passé. Nanjo même dans la propre famille. Ata mujama inyewe. Ah, de Jacob. Ya Yakobu. Regardez les frères de Joseph. Tazameni batoto wa Yusufu. Mais ils n'ont pas eu. Les frères de Joseph. Banduku ya Yusufu. Ne l'ont pas eu à cause de l'argent. Aba kumuchuki njuu ya feza. Non. Apana. Non pas parce qu'il était beau. Aina njuu kwa sababu alikuwa mrembo. Non. Apana. Les frères de Jacob les frères de Joseph Banduka Yusufu l'avaient haï parce que Dieu avait choisi Joseph comme prophète dans leur famille. Sawa nabi mujama yabo. Vous voyez, naona, regardez, tazamene. Joseph Yusufu était aimé de son père. Na baba yake. Joseph Yusufu était un prophète. Nabi. Et il prophétisait des choses qui s'accomplissaient. Et Joseph était plus aimé sana par son père. Na baba yake. Et les autres frères l'ont haï à cause de cela. Et tous les enfants d'Abraham dans la chair, quand ils ont vu Dieu, il a pris Jacob. Il s'est révélé à Jacob. Il a béni Jacob. Les autres ne sont pas contents. Et il haïsse pour cela. Na wakamuchukia njua ile. C'est vrai, frère. Ibya kweli nduku. C'est la même chose qui se répercute sur l'église. Ni mambo mamoya iko narudhiria hata yulu ya kanisa. Nous ne sommes pas aimés. Chie abatupende. Ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs. Haina njua kusema chie tu batenda zambi. Dunia. Le monde. Iko inetuchukia. Aina juu tunafanyaga bintu vibaya. Dunia inetuchukia. Ni juu Mungu alituchakula. Na tuko batoto ya Mungu. Enfant de Dieu. Et Dieu nous a donné beaucoup de promesses que les autres n'ont pas. Il est bengine abana nayo. Nous ne nous bagarrons pas les gens. On n'injurie pas les autres. Quand Dieu nous donne l'occasion de faire du bien, même aux païens, nous leur faisons du bien. Mais quand vous regardez les païens, dans leurs actions, dans leurs paroles, dans leurs conduites, ils nous prennent comme leurs ennemis et ils nous haïssent. C'est à cause de la révélation divine que nous avons. Il est tout naïo. C'est à cause du choix de Dieu. C'est ce qui se passe. Est-ce que jusque maintenant ça va? Qui a compris? Nani anashikia? Qui n'a pas compris? Nani ashishikie? Qui n'a pas compris? Nani ashishikie? Qui n'a pas compris? Nani ashiki apa nula chelewe. Nous avons une seule main. Tuna mkono moja tu. Deux. Mbili. Vous venez de l'école dimanche. Mwe mnatokia masomo muyenga kwa masomo batoto. Allez, ça va, vous me verrez au bureau. Mtaniona kwa ofisi. Vous êtes à deux. Mais là, je vais commencer à vous dessiner ça. Mukuye ku bureau. Tuanza kuandika na chini. C'est pourquoi mzee a raison. Il fallait que vous avez la possibilité. Comme je parle il fallait Nyanjika et Abraham Apa. Là, j'écris. Baba Yabo. Abraham. Nyanjika Sarah Apa. Sarah. Nyanjika Agar Apa. Agar. Nyanjika Ketura. Nyanjika ma famille Yabo Uku. Je puisse mentionner leur famille. Kwa Sarah. Sarah. Anazala Isaac mtoto wa Malako. Isaac, le fils de la promesse. Isaac mtoto wa Malako. Isaac, fils de promesse. Anazala. Esaü na Jacob. Esaü et Jacob. Et Jacob en Azala les douze tribus. Ma cabine à Mbili, je vais de ces côtés. Mine bébé à Agar. Je prends Agar Azala. Agar. Na Abraham. Agar a eu avec Abraham. Ainsi que leur descendance. Qui s'en va dans la Ketura. Je prends les enfants de Ketura. Quand vous voyez ça, en voyant, ça reste braqué dans, donc gravé dans votre mémoire. Vous comprendrez bien. Voilà l'important du tableau. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Donc, pour résumer d'abord cette pensée, kwa kuleta kwanza mufupi iwazo, kama Israël, si Israël, bana mchukia kuko banduku yake mumwili, ai par ses frères dans la chair, kitu kia kwanza, la première des choses, c'est parce que Dieu l'a aimé. Na Mungu anamuchakula. Et Dieu l'a choisi. Na anamutenga. Et il l'a séparé. Na banduku yake. De ses frères. Na kisha. Et ensuite. Mungu ye mwenyewe. Lui-même. Anejifununa kwake s'est révélé à Israël. Na Israël, et Israël anakuya mali ya Mungu, devient maintenant une propriété de Dieu. Na Israël, et Israël anachukua Mungu, a pris Dieu kuya Mungu wake, comme étant son Dieu. Pale, ababa nduku yake bengine. Alors ses autres frères, bakuma mama bengine, les autres mères, banakosa ufunuo, manquant la révélation, Mungu akujifunune Dieu kwao, ne s'était pas révélé à eux. Na mapendo ya Mungu, mais l'amour de Dieu, il ne va pas dire que mon mwili, il va béni matériellement, ils ont l'argent. L'argent, vous c'est en pourquoi aujourd'hui au monde, les Arabes, à cause du pétrole, beko trop riche. Ils sont très riches pour la franga mingi. Frère Dieu, moi, j'aime bien qu'il est côté. Hein? Car vous n'avez pas encore visité de ces côtés-là. Moumouili. Dans la chair, matériellement. Moui, connaît-on à quoi mal. Voyant ils sont très riches. Beko batajiri sana. Il faut aller en Orient, aller dans les pays arabes. On a chaque fois yao. Si vous entrez dans leur maison. Kumambo ya franga, concernant l'argent, kumambo ya mali, la richesse, Mungu aliwapatia mali ya mingi sana. Mais kumambo ya kujifunua kwao, Mungu wa Dieu ne s'était pas révélé à eux. Dieu n'a jamais Mungu akubebe. Dieu n'a pas pris batoto, les enfants. Ya babi Abraham bengine. Les femmes d'Abraham. Sawa batoto yake. Comme étant le sien. Apana. Non. Ils ne sont pas enfants de la promesse. Abana batoto ya malaku. Bale Mungu akola considérer. C'est que Dieu considère comme batoto propre Abraham. Comme les enfants. Ce sont les enfants de la promesse. Batoto tu ba malaku. Ismaël. Ismaëli n'est pas un enfant de la promesse. Ana mtoto wa malaku. C'est un enfant mtoto de la chair. Kutoka mwili. Tous les enfants de Ketura. Batoto bote ba Ketura. Ce sont les enfants. Ni batoto. Ce sont pas les enfants de la promesse. Ana batoto malaku. Mais ce sont les enfants de la convoitise. Batoto bakutokia kutamani. Abraham kisha. Abraham à Sarah Koufoua, après la mort de Sarah, tu y as tellement yamouili, à cause de la Isaac, lui, Isaac, c'est un fils promis à Abraham. Ibrahim, Dieu dit, je te donnerai une postérité. Vous voyez bien mes frères. Et par cette postérité, tu seras une grande nation. La grande nation dont la Bible dit pour Adam et pour Abraham. Ibrahim. Ce sont les enfants qui sont venus par Sarah. Vous voyez bien mes frères. Ismaël est un fils de l'interprétation. Interprétation de Sarah. Tous les enfants de Ketura sont les enfants de la chair. Les enfants de la convoitise. Mais Isaac, lui c'est un enfant de la promesse qui est venu de la femme légale. Voyez la différence. C'est pourquoi avant la mort, quand Abraham sentait sa mort venir, la Bible dit, il appela tous ses enfants. Voyez. Et avant qu'il ne rende l'âme, à chaque enfant, Anaïta batoto, Anaïta batoto baga, Anaïta batoto baketura, il appela les enfants de Ketura, ils sont venus devant lui, il prie, la richesse, en donnant à chaque enfant, il donna la richesse, chacun d'eux a eu sa richesse, la propriété. Quand il revient maintenant vers l'enfant de la promesse, il lui a donné l'héritage. À Kampatia, yeye, uriti. Voyez la différence. On a une chanice au copain. Regardez avec moi. Mais si tu es là, tu commences à me dire. Quand il s'est fait, je ne vais pas continuer. Si je continue, vous n'allez pas. Abraham lui-même, avant de mourir, pour séparer Kutenga, Isaac et les autres frères. Il a donné à tous ses enfants des dons. Mazawadi. Mais l'héritage, il donna à Isaac. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi vous voyez même les dénégations. Nous combattons. Nous avons toujours dit. Nous nous sommes les enfants de Dieu. Nous parlons pas pour notre plaisir. Quand Isaac dit, je suis un enfant de la promesse. Non. Il est un enfant de la promesse. Qu'il veut se vanter. C'est Dieu qui a fait cela. Nous sommes ce que nous sommes à cause de l'amour de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. On en a bien dit, mes frères. Tout n'a bien eu, tout n'a bien eu. Ni quoi n'aime à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu signifie le secours qui vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous ouvre l'intelligence pour que tu élèves bien tout ça ou ça ou les choses correctes. Mais Bengi n'a pas chiqué. Les autres ne comprennent pas. C'est quand nous aimons Abraham. Nous aimons Israël. Nous parlons bien. Pour Israël. Pour Israël. Les autres ne comprennent pas. D'ailleurs, même historiquement, Dieu lui-même a dit il faut les chasser. Donc ils étaient occupants. Si nous comprenons que si nous comprenons, voilà. Vous voyez, quand le monde dit, quand nous disons qu'il est blongo, il est ni à Israël. Cette portion de terre-là appartient à Israël. Regardez les gens sans intelligence. Dans un mini bar, tu sais, commençons par les commencements. Voilà comment ils réfléchissent. Dans un mini bar, Dieu lui-même. Pour donner à Abraham le territoire, il avait dit là, il y a les Cananéens. Dieu lui-même y avait placé les Cananéens. Les Cananéens sont les premiers occupants. Les Cananéens sont les premiers occupants. Vous suivez? Donc, parce que Mungu anasema, car Dieu dit, je vous donne le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, il y avait des Cananéens. C'était les premiers occupants. Mais la révélation nous dit, là, qui nous faut étonner ça, à nous, les enfants de la promesse, tamalako, les Cananéens étaient les occupants wakaji, sans titre de propriété. Mais quand Israël vient, la kiwa kati Israël ya nakuya, le maître du ciel de la terre lui donne la propriété. Comme on a moulisa, si vous lui posez la question, posez la question à Israël. Vous posez la question à Israël, il dira que non. Je détiens cette terre. C'est par un décret de l'Éternel. Mupango ya wa milele. Voyez. Naona. Est-ce que vous suivez ça? Abraham lui, Abraham, Israël lui, il a un décret de Dieu signé par Dieu lui-même. Une décision signée par Dieu lui-même. Les autres, les Palestiniens, eux n'ont pas les titres de propriété. Comme ils n'étaient pas pour, ils n'étaient pas propriétaires. Ça, c'est pourquoi Dieu les a chassés. Raison pour laquelle chassez-les. Mubafukuze. Le pays de la terre, il faut les exterminer. Il reste même pas un enfant car il va grandir. Ils vous feront la guerre. Vous comprendrez cela. Là où nous avançons, il est maérer. Il est maérer. Israël, il faut agner. Pourquoi tu as fini, Philistin? Voilà pourquoi aujourd'hui il est en guerre. Voyez, frère. On a Ronandou. Je m'arrête ici, sinon, si je continue, je vais vous perdre. Donc, pour résumer la pensée du jour, les conflits qui existent entre Israël et tous les Arabes est lié inatokea à la révélation divine que Dieu a faite à Abraham. Il est Mungu alipatia Ibrahim. Dieu lui-même Mungu ye mwenyewe a aimé Israël. Alumpenda Israeli. Dieu lui-même Mungu ye mwenyewe a choisi Israël. Et Dieu lui-même a séparé Israël de toutes les nations. C'est un peuple mis à part selon l'ordre de Dieu. Israël bénéficie de bénédictions. Une bénédiction spirituelle et une bénédiction physique. Mais les enfants d'Abraham qu'il avait eu par d'autres femmes, Agar, Ketura, ces enfants-là n'ont reçu de la part de Dieu que la bénédiction matérielle. Mais la révélation divine, Dieu les a privés de cela. Vous voyez? Maintenant, le choix de Dieu, l'amour de Dieu sur Israël a engendré la jalousie, les combats, la haine contre Israël. C'est pourquoi c'est une haine interminable. Il est malaisé, capana. N'est pas que Mungu, Dieu a fait un tranché entre Israël et les Arabes. Vous savez que depuis d'abord l'indépendance d'Israël, maintenant il y a à peu près une affaire de 18 guerres. Comment on a le 7 octobre? Avec les Syriens. Ça fait maintenant 18 guerres. Uniquement entre Israël et les Arabes. Quand vous prenez la décision de Khartoum, pour terminer, comme ça vient à l'esprit. J'ai cette décision-là ici. Regardez comment ils ont décidé. Tous les Arabes se sont réunis. Ils ont pris une décision le 1er septembre 1967. Ils ont dit à cette époque-là, Israël avait déjà gagné la guerre de 6 jours. Et ils ont intitulé leur décision les trois noms. Majina tatu. Kukatala mara tatu. Tunakatala mara tatu. Trois refus. Kukatala mara tatu. Pas de paix avec Israël. Kwanja, hakuna salama na Israeli. Pas de négociation avec Israël. Hakuna masikilizano na Israeli. Pas de reconnaissance avec Israël. Hakuna kumtambua Israeli ama inchi upeke. Vous voyez? Munaona? Quand ils sont allés, wakati walienda, umwetu, Khartoum ni hapa karibu ukuyuluku. Ce sont nos voisins avec la RDC. Parce que c'est un pays arabe. Bale wengine kwa chinja bantu kule kuma Beni. Baratoka mwile nchi. Nos compatriotes à Beni, ils viennent de ces pays là. Et quand tous les Arabes se sont réunis, ils ont dit non à la paix avec Israël. Salama, kufanya salama na Israël. Deuxième résolution. Mpango ya pili. Non à la reconnaissance d'Israël. Même si tous les pays reconnaissent Israël comme un pays, nous les Arabes, Troisièmement, même si tout le monde négocie avec Israël, nous refusons la négociation avec Israël. C'est consigné dans leurs documents. Ile maneno, ndani ya kartasi yao. Tout ça est lié. Yote inaunganishwa au choix, inatogea tu à la séparation, uchaguzi, au bénédiction na baraka que Dieu a fait ile Mungu alimutendea Ibrahim. Abraham, donc à Jacob. Jacob, Israël. Sont des ennemis. Wao ni wadui. Dieu les a séparés. Mungu aliwatenga nao. Voyez bien mes frères. Naona wantu kwa pende. C'est pourquoi ils les combattent. Wao ukamkombanisha Israël. Vous savez, mnaua. Même quand nous allons en Israël, hata wakati tukulenda mu Israël, Israël pour nous protéger. Israël va kutulinda. Mon passeport yetu. Na notre passeport. Aweka kemo cachet. Il appose pas le cachet. Comme on appelait car passeport. Si vous apportez votre votre passeport. Visa à ton papier. On nous donne le visa. Toi-même tu vas placer ça. Dès que vous quittez, je retire le visa volant. Je le retire de mon passeport pour mettre ça ailleurs. Pourquoi? Quand on a weka soya Israël. Dans un pays musulman. Tu n'entreras jamais dans un pays musulman. Dès qu'on voit seulement les sceaux d'Israël, on a tout considéré comme un Israël, on a quoi ça m'a pelelezi. Tous les amis d'Israël. Sont les ennemis. Des Arabes. Ya wa inchi Arabes. Et comme Israël est conscient de cela, Israël a joué les membres musulmans, raison pour laquelle eux n'apposent pas le visa dans le passeport. Dans le passeport, on ne met pas, on ne scelle pas ça. Abati et Mouri, dans le passeport. Mais soya bantu bengine, mandai feo taïna n'a pas de problème. Mais soya Israël, mon passeport yako. Bah qui pique tchapa Israël, mon passeport, dans votre passeport. Tu n'es pas le bienvenu. Oui, abata kupoke avizuri, mainchi ya wa arabu. Et vous le remarquerez même. Avec les Indiens. Quand on a dans leur présence, tu parles en bien pour Israël. Tu ne seras jamais en amitié avec eux continuellement. Vous voyez, frère. Naona. Nduk. Vous voyez, sœur. Unaona dada. C'est pourquoi, bien-aimé. Dieu a de très bonnes promesses pour nous. Mungu akona mahadi mzuri sana juu yetu. Huyu tu mtoto wa Mungu. Soit seulement un enfant de Dieu. Ou t'as gagné ma faveur ya Mungu yote. Tu vas bénéficier de toutes les faveurs de Dieu. Ya kiro spirituel, na kimwili et matériel. Ata bantu wanakuchukia. Même si les gens te haïssaient. C'est déjà une promesse. Na yoni malako. Jésus a dit. Yesu alisema. Vous serez haï. Batamichukiaka. Et même les propres ennemis, Na badu yako benyewe. Seront les gens de ta maison. Batoka bantu ba munyumba yako. Tout est déjà proclamé dans la parole. Mambo yote basha tangulia kuyasema ndani ya neno. Wale wanamchukia Israel sana. Haïs tellement Israël. Qu'ils jurent qu'à sa disparition. Dona la papa ka Israël a poté. Ce sont ses frères. Bantu kuyake. Dans la chair. Parce que dans la chair, ils sont réellement. Aki akweli bo. Enfants d'Abraham. Ni batoto wa Ibrahim. Ça, tu ne peux pas le renier. C'est pourquoi les États-Unis, ces derniers temps ici, ils ont fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Pour chercher la paix entre Israël et les Arabes. Amani, kati ya Israël na Arabes. Ils ont inventorié tous les enfants qu'Abraham a eu avec ses femmes dans la chair. Ils ont dit, nous sommes des frères. Même si nous sommes opposés, malgré les propositions des États-Unis, ils sont toujours en guerre contre Israël. Ils sont toujours hypocrites. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate mibariki. Alors mardi, nous allons commencer par là. Tutanzia hapa. Donc Israël et ses voisins. Usemea njua Israël na wajirani yake mainchi yenye kumzunguka. Révélation ya Mungu. Ufunuo de Dieu. Il est choix Mungu alifuana yule ya Israël. Israël. Bénédiction, il est Mungu alimpatia double bénédiction. La double bénédiction. Que Dieu a offert à Israël. Voilà les faits qui sont la haine ya Israël. Contre Israël parmi tous ses frères dans la chair. Et ne jure qu'à sa disparition. C'est pourquoi il nous cherche querelle tous les jours. Frère, frère, Si Dieu du ciel, kama huyu Mungu wa mbingu, le tout-puissant, mwenyezi, le propriétaire, mwenye mali, le maître, Bwana, qui lui avait donné ce territoire-là, ne défendait pas Israël. Israël déjà disparu. Leo, Israël, elle passe pas il aurait déjà, il, on l'aurait déjà effacé. Mais ce que Dieu tient dans sa main, kwa mikononi ya Mungu, aucun homme ne peut le mutu, anawezi kunyanganya. Quand Dieu défend un homme, une famille, un pays, aucun démon ne peut annuler le dessein de Dieu sur cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Ça va. Donnez-moi pour l'épaule, jusqu'à ce que tu t'apportes à tableau, quand on a oublié la question, si question avez-vous compris? Si vous n'avez pas compris, il ne faut pas avoir honte. C'est mon devoir, ta marque. Je vais reprendre. Pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas, même votre salut, la manière dont Dieu marche avec Israël, c'est la manière dont il marche avec l'épouse spirituelle. Nous, nous sommes les bien-aimés. Voyez, de l'éternel. Israël était bien-aimé de l'éternel. C'est pourquoi maintenant on est toujours là. Les gens nous haïssent aussi. Lèvons-nous pour la prière. Accente Bwana. Amen. Alléluia. Accente Bwana. Amen. Accente Bwana. Accente Bwana. Amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, amen. Kwa neema yako. Amen. Alléluia. Kwa neema yako. Amen. Kwa neema yako. Kwa neema yako. Amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, amen. Kwa kutuokoa. Amen. Alléluia. Kwa kutuokoa. Amen. Kwa kutuokoa. Kwa kutuokoa. Amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, amen. Prions-nous tous ensemble. Remercions le Seigneur pour le choix qu'il a fait sur nous afin que nous soyons des enfants de Dieu, ses bien-aimés. Merci Père. Dieu Tout-Puissant, Mungu wa uwezo yote, dans le nom de Jésus-Christ, katika jina Yesu Kristu, te disons grandement merci. Tunakuonesha aksanti. Nos cœurs sont vivement touchés. Mioyo yetu inaguswa sana. Quand nous regardons Seigneur, wakati tunaangalia Bwana, au choix que tu as porté sur nous. Pendant que nous lisons les Écritures, Seigneur, que Dieu a jeté le regard parmi les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom. Et ce peuple-là, c'est mon frère et c'est ma sœur. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, que nous te louons de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu es venu à nous pour nous le révéler. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Tu es descendu et tu as croisé notre chemin. Tu as ouvert notre esprit. Tu nous as rendus capables. Te sommes vraiment infiniment reconnaissants. Seigneur, que ces paroles rassurent nos cœurs. Que ces paroles tranquillisent notre cœur. Que ces paroles puissent nous fortifier. Nous pouvons tout manquer, mais nous avons celui qui bénit. Nous pouvons être en difficulté, nous savons que nous avons celui qui décante toutes choses. Nous pouvons manquer le mariage, mais le donateur du mariage, c'est lui notre Père, c'est lui notre Rédempteur. Nous pouvons être malades, mais tu es celui au-devant de qui rien n'est impossible. Seigneur, fais que ces choses soient une révélation. Parce que la foi est une révélation. Et la révélation vient seulement de toi. Ton serviteur peut parler, mais celui qui sauve et qui donne la révélation, c'est toi. Fais-le, Seigneur. Prête tes oreilles à ce que je te dis. Interviens en faveur de chacun de nous. Ne laisse aucun de nous, Seigneur, s'égarer. Tiens-nous par ta main et fais-nous marcher dans la voie du salut. Bénis ton serviteur, Seigneur. Et bénis sa méditation. Le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.